Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec la mort, une série de Virginie Bloch-Lainé réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a la grande peur métaphysique, l'inconnu pour toujours, des souvenirs d'enterrement dans le froid et des corps étendus pourtant si familiers et devenus étrangers. Il y a aussi des morts incongrues en plein été, des maisons à vider, pleines d'objets familiers que l'on se dispute et un amour désormais impossible à répartir équitablement. Alors pour commencer, les personnages. Un notaire qui lit les testaments à ceux qui restent, un fils orphelin de son père, un préfet et ses morts, un psychiatre face au génocide et un notaire qui n'a pas encore fait son testament. Ensuite, le décor. Le partage, une lettre perdue, des jalousies des frères et sœurs, des maisons, des démarches administratives, des dernières volontés, la vie avec la mort, une réconciliation de dernière minute et des vieilles rancunes éternelles. Aujourd'hui, 3e épisode, on a rendez-vous chez le notaire. Ouvrir les testaments. Virginie Bloch-Lainé, Clotilde Pivin. Comment êtes-vous devenu François Carré, notaire spécialiste des successions? Alors moi je suis déjà devenu notaire parce que j'ai perdu mon père jeune, et justement ce sujet, j'allais avec ma mère chez un notaire quand j'étais adolescent, et je trouvais que c'était détenteur de beaucoup de savoir et de sujets sur l'humain, ça me paraissait assez passionnant, donc je pense que c'est le début de ma vocation notariale, voilà. Ce qui a beaucoup fait rire autour de moi quand j'ai dit à 18 ans que je voulais être notaire, tout le monde m'a dit mais c'est complètement ringard, quelle idée bizarre. Mais je lui dis, moi, je crois que ça va m'intéresser. Et le droit de la famille est la partie qui m'intéresse le plus, et notamment les partages compliqués de famille, qui est le moment le plus dur pour les familles à vivre, puisque chacun pensait posséder tout, il se rend compte qu'il n'en possède qu'une partie. Et c'est très compliqué. Il faut lâcher prise, il faut lâcher. Et c'est très très difficile, puisque quand vous êtes enfant, la maison de famille, elle est à tout le monde. Donc elle est à vous. Vous dites, j'ai une maison de famille. Et après, si vous avez la maison là, ben, vous n'avez pas l'autre chose. Et vous ne comprenez pas, parce qu'en fait, vous aimez les deux, vous aimez tout, puisque c'est votre univers. Alors, c'est très passionnant. Hein. Moi, ma passion pour ce métier, c'est l'instant où l'individu est confronté à une réalité difficile. Le rapport à l'argent, la mort, enfin beaucoup de choses, hein. Et tout en même temps, l'argent, l'amour, la mort, les autres qu'on aime moins, ou qui petits vous ont dit, mais tu sais que t'as piétiné mes jouets, moi ça m'a fait une peine folle, mais ça, oui. Tout ce ressenti de l'humain, c'est vraiment et tout se concrétise, et tout se renvoie à quelque chose de très simple qui est l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent comme dans les affaires. Dans les affaires, on transige tout de suite. On s'en fiche dans les affaires. L'important, c'est que ça avance. Là, pas forcément. I could sing a new song. Never sing a blue song. À quel âge, Martin Hirsch, avez-vous connu le premier mort proche de vous, la première personne morte proche de vous? 24 ans, et c'était mon père. Vous avez vu son corps? Ah oui, j'ai vu son corps. Donc, mon premier mort anonyme ou inconnu, c'était 3 ans auparavant. Je disais que j'étais au début de mes études de médecine, donc je fréquentais les hôpitaux, où j'étais externe, ce qu'on appelle externe. Et du coup, dans une situation dans laquelle j'étais amené à jouer un rôle un peu d'intermédiaire, parce que j'étais celui qui était dans le secteur ou dans le milieu, et donc à me retrouver à le voir juste avant, à le voir pendant et à le voir après. Oui. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La lettre perdue, Martin Hirsch, dans lequel vous racontez avoir perdu une lettre que votre père vous avait écrite pour vous féliciter de votre réussite. Pas pour me féliciter de ma réussite, pour me mettre en garde de ma réussite, mais c'est la caractéristique forte de cette lettre. Pour vous mettre en garde contre l'arrogance, contre la réussite. Vous veniez de réussir le concours d'entrée à l'école à l'ENA. Cette lettre, vous l'aviez toujours avec vous et vous l'avez perdue en débarrassant votre bureau en 2010, en quittant le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Cette lettre, c'est la dernière que j'ai reçue de mon père. Quelques mois avant sa mort, un moment où il était très bien portant et le cancer qu'il a emporté n'avait pas été diagnostiqué. Je ne sais pas si d'ailleurs il se préparait ou pas ce cancer, mais en tout cas j'ai reçu une lettre de bien portant d'un père avec lequel j'échangeais régulièrement et donc qui m'a adressé une lettre qui était une pas tellement l'expression parce qu'elle aimait une leçon de vie ou de en m'expliquant que il n'était pas sûr de me faire confiance sur ma capacité à bien métaboliser le succès, si je puis dire. C'était pas prévu que je rentre à l'ENA, puisque j'étais parti sur autre chose, donc j'étais pas dans un système dans lequel on se prépare et on se dit dans 5 ans je serai à l'ENA, dans 4 ans je serai à l'ENA, dans 3 ans je serai à l'ENA. Ça a été aussi assez rapide et brutal, si je puis dire. Et me disant, attention, tu vas te retrouver dans un milieu où on va te faire des courbettes, où le simple fait d'être énarque conduira à un système de relations avec les autres très différents. Et n'oublie pas quelque chose, couper des cheveux administratifs en 4, faire des ronds de jambes dans une ambassade ou porter une casquette de préfet, rien de tout cela ne peut remplir une vie. Et j'ai été effectivement confronté à cet univers-là. Et donc j'ai compris que cette lettre disait des choses qui étaient réelles, importantes. En plus, elle a, outre les préceptes qu'elle contenait, elle a eu quelques mois après une valeur affective tout à fait considérable. Mon père aurait pu me laisser une dernière chose, mais il m'a laissé cette lettre. Et je m'y suis référé très souvent, je l'ai lu très souvent, et je l'ai portée pour vraiment, soit dans la poche intérieure de ma veste, soit dans les bureaux que j'occupais, de telle sorte qu'elle était avec moi tous les jours. Ça peut paraître un peu fétichiste ou un peu bizarre. Je l'ai fait, non pas, je me suis pas donné cette règle-là, c'est venu comme cela. Et je me suis aperçu que c'était cette règle, ce jour où effectivement, quittant un bureau de membre du gouvernement, je me dis, avant de le ranger, et avant de prendre toutes mes affaires, on doit mettre toutes ses affaires dans un carton pour pouvoir laisser le bureau à son successeur le lendemain. Je me dis, la chose la plus importante, c'est cette lettre. Je la mets de côté, je range tout le reste, je quitte le bureau, je recherche la lettre, je ne la trouve pas. Et j'écris le livre à cause de cette perte. Vous remarquez une différence, François Carré, lorsque c'est un père qui meurt et lorsque c'est une mère qui meurt, lorsque c'est un père que des enfants, qu'une fratrie perd, ou lorsque c'est une mère? Pas forcément. C'est plutôt en fonction des rapports que les gens ont eus avec leurs parents, qui n'est pas forcément le même. Puis à la place dans la famille, l'aîné, le petit dernier, celui qui est au milieu, qui a l'impression qu'il sert toujours de tampon, etc. Et tous ces éléments-là sont beaucoup plus importants. Après, il y a des parents qui sont des parents très chaleureux, bienveillants, d'autres pour qui c'était plus compliqué aussi, dans leur propre vie. Il y a des parents à qui les enfants ont pardonné, si je peux dire, et d'autres pas. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure. Et puis, il y a des haines familiales entre frères et sœurs. Il peut y avoir des blocs, 2 contre 1, ou 3 contre 2, ou 3 contre 1. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir comme tout groupe humain, mais exacerbé, parce qu'on est beaucoup plus à l'intime. Et on voit moins, mais vous voyez, avant, il y a quelque chose de très frappant, c'est la place entre les garçons et les filles. Et moi, je connaissais une famille, par exemple, et les filles étaient extrêmement brillantes. L'une avait fait normal supplétaire, etc. Et il y avait un garçon qui était employé de banque, qui n'avait pas réussi à avoir son bac. Et un jour, il réussit un tout petit examen en interne. Et les parents ont fait une fête extraordinaire, invité les amis, la famille. Et elle, quand elle a reçu une normal supplète, qui est quand même pas mal, on lui a dit, bon, c'est pas tout ça, qu'est-ce qu'on mange? Et elle a trouvé que c'était un petit peu dur. Et vous voyez, parce qu'en fait, pour sa mère, c'était insupportable qu'elle réussisse aussi bien. Puisque du coup, ça l'a envoyé, elle, à sa propre souffrance. Vous voyez. Enfin, c'est toutes les interactions de l'humain qui sont absolument passionnantes. Donc c'est un métier où on apprend, je trouve, à aimer les gens, puisque moi je les regarde en se disant ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas simple pour eux, et même très compliqué dans ces sujets. Comment retrouvez-vous la lettre, Martin Hirsch ? Alors, la perte de la lettre m'a provoqué... Je la connaissais par cœur, cette lettre. Je peux vous la réciter, je la connaissais par cœur. Mais pour autant, la perte de la lettre m'a angoissé de deux manières. D'une part, très directement, je me suis dit, mais si cet élément dont on était donc 25 ans après, 88-2010, ça doit faire 22 ans, c'est ça ? Oui, 22 ans après, cette lettre a une importance... crucial, je me suis construit avec elle, et si je la perds, ça veut dire que par ailleurs tout ce qui m'a construit peut se perdre. Je me suis retrouvé comme, j'imagine peut-être la situation de quelqu'un qui prend conscience qu'il a une maladie neurodégénérative et qui voit des pans de sa mémoire disparaître, ou quelqu'un qui peut avoir cela après un accident vasculaire cérébral, ou peut-être des gens qui se font cambrioler et voient partir des souvenirs de famille. Donc je me suis retrouvé sur cet objet-là, confronté à me dire, mais si j'ai perdu ça, qui était probablement ce sur quoi j'avais le plus grand investissement affectif et sur lequel j'ai bâti, construit le plus de choses, peut se perdre, peut-être que je perdrais aussi le souvenir de beaucoup de gens, plus que de choses, qui font que je suis ce que je suis. Et puis, à un moment donné, coincé, je me suis dit, mais la meilleure manière de me décoincer serait de répondre à cet courrier de mon père. Et tout d'un coup, j'étais libéré parce que j'écrivais à quelqu'un qui ne le lirait jamais. Mais pour autant, pour lequel je me suis aperçu, oh là là, qu'est-ce que j'avais à lui raconter ? Ça faisait 22 ans, il n'avait rien vu, qu'est-ce que je pouvais mettre ? Je lui répondais, je m'excusais de répondre un peu en retard, avec 22 ans de retard, et je me suis retrouvé, pardon, je suis pas du tout, je suis un type d'une grande rationalité, donc je ne suis pas, mais je me suis retrouvé quasiment en transe à écrire, comme j'imagine les gens qui font du spiritualisme. Voilà. J'ai fait une séance de spiritualisme à écrire à un mort et à voir la table tourner, quoi. Et je revois la table sur laquelle lui, il a écrit cette lettre. Et donc, je me mets à écrire, c'est super, quoi. Et puis c'était émouvant, et puis j'écoutais de la musique en faisant cela, qui étaient des musiques qu'on écoutait avec mon père, quoi. C'est génial, quoi. Ce voyage, cette possibilité de pouvoir... Et en terminant d'écrire, en plus, pardon... Dans un système dans lequel il se trouve que mon père aimait écrire, mais dans une famille dans laquelle on ne marquait pas son affection, quoi. Mon père m'a jamais embrassé, par exemple. Je crois, pas que je m'en souvienne. Je pense qu'il me serrait la main. Même petit. Non, certainement pas, quoi. Voilà. Je n'ai pas le souvenir de le voir se pencher pour embrasser sur la joue ses enfants. Donc, on ne s'embrassait pas, on ne se disait pas « je t'aime » ou des formules de cette nature-là qui n'existaient absolument pas. On s'aimait beaucoup, mais l'idée de se le dire était quand même juste obscène, quoi. Et du coup, là, je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais le dire ou pas le dire. Je crois, d'ailleurs, si je regarde, que je lui ai dit « je t'embrasse », qui était d'une audace absolument extraordinaire. Et une fois que j'ai écrit cela, je me suis levé comme un automate, j'ai ouvert mon cartable. Alors vous allez me dire que c'est encore pire, parce que par ailleurs, mon cartable était le cartable de mon père. J'ai ouvert la poche intérieure, et dans la poche intérieure, il y avait la lettre, qui était là en évidence, que j'aurais dû trouver. J'avais fouillé 36 choses, dont ce cartable 40 000 fois, et je ne l'avais pas trouvé. Et donc, j'ai une annonce à faire, l'inconscient existe. Si vous en doutez, l'inconscient existe. Voilà. Mais c'est la mort de mon mari, monsieur, vous ressemblez à lui, tout doux. Ne pleurez pas, dame l'hôtesse, tout doux. Ne pleurez pas, dame l'hôtesse, tout doux. Vous aviez de lui trois enfants, j'en compte quatre à présent, tout doux. Est-ce qu'il y a parfois, François Carré, est-ce que vous avez eu des testaments rédigés particulièrement joliment ? Alors oui, mais en fait, vous êtes déçu parce que je les casse en deux. Je trouve que un testament, c'est bien sûr un document extrêmement secret, comme nous le disions, mais c'est un document qui va devenir très public, qui va être enregistré, qui va partir aux greffes, dans les banques, etc. Donc c'est pas le lieu de l'intime dans ce sens-là. Donc moi, je demande aux gens en fait de faire deux documents, un testament sec. Je lègue, je décide, je machin, t'as pour un tel, etc. Et un deuxième document, beaucoup plus personnel et que je me permettrai jamais de dicter aux gens, dans lequel ils expliquent à leurs enfants pourquoi, le pourquoi des choses. Spécialement quand un enfant reçoit plus que les autres, qui peut être très légitime dans certains cas. Mais ça s'explique. Ce n'est pas parce que je l'aime plus et que donc je vous aimais moins, mais c'est parce qu'il en a plus besoin, parce que j'ai considéré qu'il allait être devant de plus grandes difficultés, parce que lui-même a un enfant, une situation difficile. Vous voyez, si on l'explique, et si on dit, mais mes chéris, je vous aime bien entendu tous, mais j'ai pensé que, en mon âme et conscience, vous voyez, mais ça, est-ce que vous croyez que ça doit partir à l'enregistrement, au greffe, ou dans les banques? À mon avis, non. Donc je demande aux gens de scinder. Vous avez un autre cas assez difficile aussi, c'est des cas de parents qui penseraient qu'il n'est pas très bon que l'autre parent soit administrateur légal de l'enfant. Et à ce moment-là, il y a des lettres, moi j'ai des lettres par exemple pour le juge des tutelles, disant, mais si on se trouve dans le cas de figure, si vous lisez cette lettre, voilà, je voudrais vous dire des choses, et parfois des choses difficiles. Et je n'ai pas besoin de les connaître, celles-là. Autant je souhaite relire les testaments, mais là je préfère qu'on me remette le pli cacheté. Et puis, si les gens ne meurent pas, on leur rend, on le déchire. Il faut voir aussi qu'un testament, c'est une photographie à un moment donné. En fait, on ne rédige pas son testament pour l'éternité. Ça n'a pas de sens. Un testament, c'est aujourd'hui, maintenant. Et d'ailleurs, quand les gens, 10 ans après, reviennent et qu'on leur rend leur testament de l'époque, ils rient, ça ne veut plus rien dire. Ah là là, ils disent, quand j'avais 40 ans, c'est ça qui m'inquiétait. Mais c'est pas du tout ce qui s'est produit. Parce que la vie est assez riche pour vous apporter des éléments imprévus. Et donc, en réalité, ce n'est qu'une photographie. C'est comme un bilan, vous voyez, à un moment donné. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui vous inquiète. Vous voyez, entre un enfant de 5 ans et un enfant de 20 ans, évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes préoccupations, les mêmes sujets. Et donc, il ne faut pas se dire « je grave dans le marbre de l'éternité mes volontés ». Mais si je me fais écrabouiller par un autobus demain, voilà comment j'aimerais que les choses se passent. Et puis je le referai dans 5 ans, dans 10 ans. C'est là où le go-between avec les notaires a du sens. Puisqu'il faut que les notaires aient la mémoire de l'histoire de la famille. De lui dire, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'un tel, que vous voyez peut-être moins, parce qu'il ne demande jamais rien. Vous avez des enfants qui demandent toujours beaucoup, d'autres rien. Mais peut-être ceux qui ne demandent rien, ils aimeraient bien qu'on leur donne quand même quelque chose. Ou au moins qu'on leur dise, on a bien vu que tu ne demandais rien. Parce que ça peut être compliqué d'être toujours l'enfant parfait qui ne demande rien. Oui. Alors, ça, nous, on peut jouer ce rôle, quand c'est des gens qu'on suit depuis toujours, un peu d'alerte, de dire... qu'est-ce qui leur ferait plaisir, parce que tout n'est pas que argent, on est, voyez bien, dans un domaine tellement de l'intime, de la reconnaissance, du don, de la transmission, qu'est-ce qu'on transmet, son nom, son histoire, son origine, sa culture, c'est énorme. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, évidemment, bien sûr, évidemment. Je recevais les torgnoles tout comme un frais guignol, tantôt par mon papa, tantôt par ma maman. Mais je ne leur en voulais pas, car au jour d'aujourd'hui, où tombent tous les ennuis, ils font bien du mérite pour élever les enfants. Évidemment, bien sûr, évidemment. Gilles Clavreul, vous êtes préfet, et comme préfet, vous avez... préparer des funérailles, écrit des éloges funèbres. Oui, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Ça fait partie des métiers de préfet. C'est un de ces métiers où on est confronté en règle générale à tout ce qui ne va pas dans la société et donc à des accidents ou à des morts violentes d'une manière ou d'une autre. Et alors, il y a déjà ce premier temps qui expose à la vue de personnes mortes, ce qui n'est pas quelque chose qu'on rencontre dans la vie très souvent, en tout cas pas avant que généralement que ça n'intervienne dans le cercle familial. Et puis, en effet, comme vous le disiez, il y a tout ce qui se déclenche derrière, c'est-à-dire il y a toute une mécanique, en effet, qui s'enclenche de dommages, de célébrations et de sollicitudes publiques. Hein. Mais en réalité, dans les attentions qu'on peut manifester à ces moments-là, aussi, en partie parce qu'on représente une autorité, on représente quelque chose, il y a peut-être, en tout cas il y a des impairs à ne pas commettre, ça c'est sûr, et il y a peut-être aussi quelque chose qui peut être utile ou réconfortant pour les familles, pour l'entourage. Richard Rechtmann, vous êtes psychiatre, psychanalyste et anthropologue. Oui. La mort vous intéresse sous quel angle ? C'est une formulation bien complexe que vous me dites là. La mort m'intéresse depuis de très nombreuses années puisque je suis spécialisé dans les conséquences des génocides, et tout particulièrement le génocide cambodgien où j'ai travaillé avec beaucoup de survivants du génocide. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé là-dessus, je me suis rendu compte que si on voulait vraiment comprendre ce qu'était la mort, il fallait peut-être moins interroger les survivants que ceux qui la produisaient, à savoir les tueurs et les génocidaires. Et une deuxième partie de mon travail a été d'essayer de faire une sorte d'anthropologie des génocidaires, de savoir qui étaient ces hommes et comment finalement on vivait ordinairement en produisant la mort des autres. Et ceux qui sont passés tout près de la mort présentent des traumatismes. Ce qui m'a toujours intéressé du point de vue des victimes, c'est comment cette proximité avec la mort, qui est vraiment surtout les victimes du génocide cambodgien, vous savez, ils vivaient 24 heures sur 24 avec des cadavres, on savait que leur horizon c'était la mort et que leur tortionnaire n'imaginait pas d'autre finalité pour eux. Et la question que je me suis posée, c'est pas de savoir quelles sont les conséquences traumatiques ou psychopathologiques qu'il peut y avoir après, mais comment on vit avec ça? Et comment on vit, c'est vraiment le terme pour moi qui est le plus important, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils sont pas simplement dans la survie. Comment on vit avec la mort et comment finalement on arrive à s'en distinguer, à s'en séparer? Et on observe un certain nombre de modalités qui font que les gens peuvent côtoyer la mort sans pour autant s'identifier. Ne serait-ce que pour une raison, c'est que la mort, telle qu'on l'imagine, nous, eh bien, quand on pense à des morts, on les pense vivants. Dans les processus génocidaires, les morts, c'est des cadavres, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le défunt et la dépouille sont deux choses totalement différentes. La véritable image de la mort, c'est ça, c'est la putréfaction, c'est ce que ce corps détruit. Et paradoxalement, ou heureusement peut-être, on ne s'identifie pas à un cadavre. Les gens ne se disent pas « Tiens, ça pourrait être moi ». Parce que justement, quand la mort est véritablement là, quand la chose est présente, eh bien la vie n'y est plus. Et lorsque la vie n'y est plus, l'identification n'est justement pas possible. Et pense qu'un jour viendra où tu t'endormiras dans le grand silence. Et vive l'espérance, mon bon ami, il faut... que vous avez peur de votre mort, Gilles Clairol? Il se trouve que j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une crise métaphysique, ou on va appeler ça comme ça, quand j'avais 12 ans, très précisément. Et ça s'est déclenché littéralement en une minute. C'est pas quelque chose qui est venu progressivement. Comme ça, j'ai pris brutalement conscience que la mort, c'était pas juste une espèce d'idée abstraite, comme assez souvent les enfants se la représentent d'ailleurs, mais c'était quelque chose qui allait vraiment arriver, quoi. Puis il y avait pas d'échappatoire possible, et que après, on sait pas ce qui se passe, voilà. Et cet état-là, qui m'a plongé dans un désespoir profond, mais vraiment très profond, pour parler de dépression en bonne et due forme, ça m'a duré à peu près un an et demi. Et puis, c'est parti comme c'est venu. Ni dans un cas, ni dans l'autre, il n'y a pas d'événement déclencheur. C'est arrivé, et puis c'est reparti. Entre les deux, c'était pas particulièrement agréable, évidemment. D'autant que c'était pas la peur de mourir que je ressentais, c'était le désespoir à l'idée de la mort, ce qui est quelque chose de complètement différent. Et puis donc, c'est passé. Et puis, j'ai eu comme ça quelques années d'adolescence où l'idée était complètement en dehors de moi. J'y pensais absolument plus. Et puis c'est revenu sous une forme, je dirais, plus rationalisée, posée, en tout cas mise à distance, de telle sorte que l'acceptation de l'issue finale s'est faite un peu naturellement, sans angoisse particulière, avec des questions, j'allais dire, comme probablement tout un chacun. Enfin, certains ont des réponses, mais la plupart d'entre nous avons plutôt des questions sur savoir ou pas s'il y a quelque chose ou pas après. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça, et j'en ai conçu progressivement une relation extrêmement distanciée et sereine à l'idée de la mort. Elle me fait absolument pas peur, ça fait partie de la vie, voilà. Vous avez dit tout à l'heure, Richard Richtman, que le mot traumatisme renvoyait à ce qui est insupportable pour une société à un moment donné. Selon vous, qu'est-ce qui est insupportable pour notre société? Qu'est-ce qui, de la mort, en ce moment, est insupportable pour notre société? Ah, je crois que c'est son énigme qui est insupportable. C'est-à-dire qu'on imagine, grâce à la médecine, grâce à tout un tas de choses, qu'on peut éviter la mort et qu'on peut... On peut se protéger de cela, et que surtout l'État a pour mission de faire en sorte qu'on vive, et donc qu'on ne meure pas. Ce qui veut dire aussi que chaque mort, enfin, certaines morts, sont plus insupportables. Alors, quelles sont les morts qui sont insupportables? D'abord, le meurtre est insupportable. La faute est insupportable. Et vous remarquerez que très souvent, quand quelqu'un meurt, aujourd'hui dans nos sociétés, on cherche le fautif. Peut-être que le fautif, c'est Dieu, pour ceux qui croient à Dieu. Mais ça, on n'ira pas l'accuser, celui-ci. On cherche toujours une responsabilité, comme si, la mort était toujours évitable. Il me semble que ça, c'est une des grandes utopies de la société contemporaine, de faire en sorte de croire l'illusion que la mort est toujours évitable. Alors, personne ne va dire une chose pareille. Jamais on va l'expliquer comme ça. Mais on va expliquer par l'inverse, en disant... Je ne vous dis pas que la mort est évitable, mais je dis que si vous mourrez, c'est de la faute de quelqu'un. Et on va chercher le quelqu'un. C'est l'affaire du sang contaminé. C'est toutes les affaires qui vont occuper l'esprit et qui vont chercher des responsables à ces morts que l'on considère comme étant profondément injustes. Et c'est comme ça que notre société règle ce paradoxe que les sociétés traditionnelles règlent autrement. Comment garantir la survie d'un groupe lorsque vous êtes sûr que tous vont mourir? C'est ça, on est d'une société, la France, on nous en parle, mais tous ceux qui aujourd'hui parlent de la France, on est sûr, il n'y a pas photo que dans les années qui viennent, ils vont tous mourir. Comment vous garantissez que la France va continuer malgré le fait qu'on va tous mourir? Moi y compris, hein, malheureusement. Donc vous n'avez pas de réponse sur la survie de l'âme, vous vous posez encore la question? Oui, et je me la pose très sereinement, c'est-à-dire c'est assez binaire, c'est soit il n'y a rien, et par définition on va pas en souffrir, parce que c'est ça le truc, hein, c'est est-ce qu'on peut souffrir du néant? Ben non, on peut pas, c'est comme qu'est-ce qu'on était avant d'être, on sait pas non plus, et bizarrement on se pose beaucoup moins de questions sur le sens de l'existence avant l'existence, de la vie avant la vie. Et on concentre toute notre attention sur l'après. Alors ça se comprend, mais d'un autre côté, c'est pas beaucoup plus logique en fin de compte. Donc s'il y a rien, bah voilà, on retourne à la matière et point barre, ou bien il y a quelque chose. Alors là, c'est plein de surprises. Moi, je trouve ça plutôt intéressant et j'accueille ça avec un esprit curieux. On ne sait pas. Je vous remercie d'être venu. L'autre jour à mon enterrement, ça m'a fait pleurer quand je vous ai tous vus. Il y a une phrase que l'on entend dire lorsque il est question de succession, c'est on a des surprises. C'est-à-dire que ces rivalités dans une fratrie, on ne les imaginait pas forcément. Est-ce que vous les repérez toujours? Parce que les familles, vous les côtoyez souvent avant la mort du parent. Alors, en fait, oui, bien entendu, nous, on le ressent, ne serait-ce que dans les réactions des uns et des autres. Vous savez, il y a tout le non-dit, l'expression des visages, des gestes, etc. On voit bien si c'est simple ou pas simple. Souvent, ça vient de non-dit, pas forcément volontaire des parents. L'enfant qui était plus fragile, la fille qui a perdu son compagnon, qui a eu du mal à élever ses enfants. On lui a donné de l'argent, mais on l'a pas forcément dit, en disant bah, son frère gagne bien sa vie. Or, comme le fond du débat, c'est que si je t'aime, je te donne. Si je reçois moins, c'est donc quand même moins. Et ça rejoint finalement une angoisse très profonde de l'être humain. Peut-être que finalement, c'est normal de m'aimer moins. Mais, ou alors, c'est vraiment trop injuste de m'aimer moins. Vous voyez, ça va provoquer des réactions de violence ou d'incompréhension ou de désespoir. Pourquoi est-ce qu'on m'aimait moins? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis aimable. Pourquoi je ne suis-je pas aimé? C'est la grande plainte de l'humanité. Et nous, on la voit à un moment paroxystique, puisque au moment des successions. Mais aussi au moment des partages post-succession. Eh bien, alors, OK, on m'aimait moins, mais je ne vais pas en plus y perdre. Donc, je vais être impitoyable dans la négociation. Mais comme l'autre aussi, il pense qu'il a été maltraité et qu'il veut aussi, vous voyez, on peut arriver à des... Moi, je traite des dossiers parfois judiciaires à la demande des juges. Quand les gens n'arrivent pas à faire un partage amiable, on voit des gens qui traînent des histoires assez insignifiantes en réalité depuis des dizaines d'années. Puisque c'est insupportable pour eux que de lâcher quelque chose à l'autre, que d'aller vers l'autre, que de dire bah, « j'ai des droits, mais tu en as aussi, trouvons une solution amiable ». Vous voyez, c'est ce que, en fait, c'est une trop grande souffrance. Ou ça peut être une cupidité folle. Il y a aussi mais c'est plus une folie à ce moment-là. Vous voyez. Il y a aussi des gens pour qui prendre tout leur paraît le minimum. Et on fait des histoires insensées dans ce sens-là. Et donc, ça, on le voit bien en amont des successions, nous, dans la rédaction des testaments. Puisqu'il y a des gens qui refont en permanence leur testament. En fonction, François Carré, d'une discussion. Alors, soit parce que eh bien, c'est une punition. Tu n'es pas venu me voir dimanche, dit la vieille tante à son neveu. Eh bien, dans ces cas-là, voilà, il y en a une qui avait déshérité son neveu s'il a épousé une hôtesse de l'air. Elle m'avait dit, vous comprenez, maître, je ne peux quand même pas donner ma fortune à quelqu'un qui vit avec ses femmes qui servent à boire et à manger dans les avions. Tu lui dis, mais c'est un métier honorable. Elle m'a dit, ça se discute. Je lui ai dit, ah bon. Dans les testaments, il y a toutes sortes de choses, en fait. C'est un moyen de donner, mais aussi un moyen de rejeter, de refuser. Avez-vous rédigé, Gilles, votre testament? Ah non, ah non, non. Non, mais ça, je suis pas... Alors, compte tenu de mon métier, ça peut paraître bizarre, mais je suis pas très fort en formalité administrative, en général, sans aller jusqu'à la phobie, mais disons que je fais les choses dans les temps, mais plutôt à la dernière minute. Donc, voilà, là, l'échéance n'est pas connue, mais enfin, je pense que je m'en occuperai plutôt vers la fin. Voilà. Imaginez-vous que vous laisserez des lettres aux vivants? Des mots. Ah, ça c'est très intéressant parce que j'étais vraiment persuadé de ça quand j'étais plus jeune ou quand j'étais enfant, en disant faut laisser des choses en ordre d'une façon ou d'une autre et tout raconter, etc. Alors ça, effectivement, je l'expérimente maintenant que tous mes ascendants sont morts. Je me dis, tiens, c'est dommage, il y a des questions que j'aurais dû poser, il y a des bouts de l'histoire familiale, enfin des bouts, non, des pans entiers que je ne connais pas. Et maintenant, ben, j'ai plus personne vers qui me retourner pour vérifier tel ou tel épisode. Et ça m'ennuie un peu. Alors je me dis, bon, j'aimerais en laisser un peu plus à mes enfants qu'on m'en a laissé à moi. tout en me disant, et c'est pour ça que je ne me presse pas de formaliser quoi que ce soit, c'est peut-être aussi une façon de vouloir continuer à les couver une fois qu'on sera plus là. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Enfin, là encore, ça se rapporte à une idée d'égoïsme ou de narcissisme de laquelle j'essaye de me garder le plus possible. Je suis pas sûr que mes enfants en aient vraiment envie. Est-ce qu'ils veulent vraiment tout savoir de leurs ascendants? C'est pas sûr. On n'a pas toujours envie de tout savoir sur ses parents. Lorsqu'on pleure à un enterrement ou lorsque l'on perd quelqu'un, c'est sur soi-même que l'on pleure et pas sur la personne qui est morte. Oui, forcément. Enfin, est-ce que c'est du narcissisme du deuil? Je ne sais pas. Mais oui, on pleure sur soi. Comment peut-on pleurer sur l'autre en se disant c'est triste et il ne va pas voir ce qui va se passer? Oui, c'est nous qui sommes tristes de voir que lui ne va pas le voir et qu'il ne va pas nous voir. C'est proprement humain, c'est-à-dire que on a une telle difficulté à se représenter ce qu'est le monde sans nous, dans ce sens-là. Parce que, pour l'anthropologue que je suis, quand même, il y a une énigme, c'est de se dire que la mort, ça nous effraie tous, parce que le monde va continuer à tourner sans nous. Mais avant, il tournait très bien sans nous. Et on n'était pas là. Et pourtant, ça nous fait pas une énigme. C'est comme si on était mort. On n'était pas né. Il se passait plein de choses. On peut nous raconter les histoires des grands-parents. On n'y était pas. Cette existence n'existait pas. Alors, pourquoi c'est tellement préoccupant de le penser après et pas de le penser avant? Moi, je vous avoue que parfois, ce qui m'angoisse, c'est de se dire tout ce qui s'est passé avant et auquel je n'aurais jamais accès. J'aurais jamais accès intellectuellement. Donc bien sûr qu'on est toujours pris dans son histoire personnelle dans le rapport à la mort de l'autre, parce que on cherche cette identification impossible à ce qu'est la mort. On ne pourra pas le connaître avant. Donc ce n'est pas une énigme, mais c'est du narcissisme, c'est ça? C'est ce que vous laissez entendre. Mais si vous prenez le narcissisme au sens presque positif, c'est-à-dire que les choses passent à travers ce que l'on est soi-même et qu'on ne peut en avoir qu'une compréhension à travers l'effet que ça nous produit, oui. Si c'est du côté d'une forme d'égoïsme ou d'égotisme qui nierait la spécificité de l'autre, non, je crois pas. Mais c'est mon côté optimiste, ça. La transmission, c'est... Il n'y a pas d'être sans transmission. Vous voyez bien, les gens qui n'en ont pas le cherchent frénétiquement. Ils ont besoin de s'inscrire dans une histoire qui peut être tourmentée, mais qui... Dolto, il disait toujours, vaut mieux une mauvaise mère que pas de mère. Enfin, c'est évident. Même ça peut être très douloureux, mais on ne peut pas naître de rien. Quoi. Et la transmission et un testament, c'est pour ça que c'est un acte qu'il faut mesurer avec douceur, parce que c'est un acte très fort, puisque vous ne pouvez pas vous agacer dans un testament. Moi, je freine les gens sans ça. C'est le doigt de Dieu pointé sur vous, post-mortem, qui vous dit « tu n'es pas une gentille fille ». Mais il y a de quoi mourir de ça, c'est trop dur. Donc il faut que ce soit très mesuré. Et comme chacun va essayer d'interpréter les volontés pour dire « ah, bah, je vois que papa m'aimait ou ne m'aimait pas », ce qui est d'ailleurs un peu faux en réalité. Les gens surinterprètent, et très simplement, très souvent, les gens n'y ont pas pensé, ou ils ont pensé une petite astuce fiscale qui, eux, les arrangeait, ou une petite idée, ou ils en ont parlé à un copain qui a dit « moi, j'ai fait ça comme ça ». Donc il y a une surinterprétation parce que j'ai une demande affective considérable de mais est-ce qu'on m'aimait vraiment quoi? Est-ce que ça me rassure? Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que le sujet est passionnant, parce que en fait on n'a pas trop droit à l'erreur, vous voyez, on est sur du vivant, du très sensible, et en plus après quand la personne est morte, alors en revanche c'est gravé dans le marbre. Moi j'avais un partage qui me paraissait toujours extraordinaire. Une vieille dame qui venait me voir en me disant « Mon père, quand j'étais jeune, m'a obligé, à 23 ans, obligé à signer un partage qui avantageait complètement mon frère. Mais moi, à 23 ans, j'étais très timide. Mon père m'a dit « Viens chez le notaire, on signe, etc. » C'est un de vos prédécesseurs, mais je me suis fait complètement rouler. Mais Je lui dis, elle me dit, je voudrais regarder un jour, et un jour j'avais le temps, je regarde. Et je m'aperçois qu'en fait pas du tout, mais simplement c'est un acte compliqué à comprendre, parce qu'il y avait des rapports de données antérieures, des rétablissements, et donc elle n'avait pas très bien compris. Donc je la rappelle, et je lui dis, madame, en fait, vous avez été très bien traitée, c'est un rétablissement, mais vous êtes vraiment, c'est très équitable quand même. Ah, elle me dit, zut, ça fait 50 ans que je fais la gueule à mon frère pour rien. Je lui ai dit, ben, réconciliez-vous. Alors, au Noël suivant, elle lui a fait un cadeau magnifique. Et il comprend pas parce que elle lui a toujours offert des trucs assez moches. Et là, elle a offert le truc magnifique. Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu me fais un aussi beau cadeau? Tu m'as jamais fait de cadeau comme ça. Et elle lui dit, mais faut que je te dise, voilà. Et du coup, il tombe dans les bras d'un autre qui est quand même mignon de se dire qu'on a contribué à ça. Oui. Richtmann, une crise d'angoisse, c'est une crise qui a plus à voir avec la mort qu'avec la vie. C'est l'angoisse de... On a peur de mourir ou on a peur de continuer de vivre. La crise d'angoisse avec la boule... L'angoisse, c'est la sensation d'une mort imminente. C'est pas forcément la peur de mourir, c'est la sensation qu'on va mourir. C'est-à-dire que c'est une perception avant d'être intellectualisée. C'est pour ça que ça devient très très angoissant. Si vous arrivez à mettre des représentations, par exemple la peur de mourir, ça devient un tout petit peu moins angoissant. Ça devient très inquiétant, mais c'est pas les mêmes choses. L'angoisse, c'est justement d'être face à cette énigme. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose d'un effacement. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est ce moment très particulier où on a le sentiment que le « je », à savoir moi qui dis « je », va s'effacer sans qu'on comprenne ce qui se passe. C'est pour ça qu'on appelle ça, d'un point de vue clinique, une sensation de mort imminente. Et non pas une peur. Sensation, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression. Et d'ailleurs, on peut en avoir une sorte de représentation. Si vous décrivez une crise d'angoisse, si vous en posez la question à quelqu'un, ou si vous-même vous en avez connu, vous verrez que la temporalité n'existe pas dans une crise d'angoisse. On a l'impression que le temps disparaît. Vous savez pas si ça dure une minute, la crise, si ça dure deux heures, si ça va durer toute la vie, vous n'avez pas l'idée de sa finitude. Vous croyez que ça va être atemporel. Ben ça, c'est la définition même de l'angoisse, et c'est la définition de la peur, enfin de la peur, de cette sensation qu'on a d'une représentation de la mort où le temps n'existe plus. Et c'est pour ça que c'est très très inquiétant dans l'après-coup. Les gens qui ont un souci pathologique de l'argent, ce n'est pas par hasard. Moi, on avait un cas, je ne vais pas raconter celui-là, mais il est assez étonnant. Mais c'est une amie... sans moyen particulier, cadre moyen, bon, etc. Et elle me dit, tu sais, règle la situation de mon père, mais il n'y a rien. Je lui dis, d'accord, bon, pas de problème, on fait un petit premier acte, etc. Et puis on voit arriver des courriers de banque. 500 000 là, 300 000 là, 200 000, 100 000, 150 000, mais 10 tonnes. Je lui dis, sinon, si c'est ce que tu appelles rien, qu'est-ce que ça appelle avoir de l'argent? Parce qu'ils arrivent de partout. Mais je te crois pas, elle me dit, vous êtes trompé de dossier, etc. Donc on revérifie, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Enfin, toutes les banques qui se trompent, c'est quand même bizarre. Et en fait, cet homme, qui était d'une avarice sordide, avait fait vivre ses enfants, pas dans la misère, mais vraiment dans la retenue, parce que, en fait, il était d'une riche famille, et quand la crise de 29 est arrivée en France dans les années 31-32, en fait, il a été arraché à sa vie, très confortable, pour être mis employé aux écritures d'une petite compagnie d'assurance, parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Le père s'est suicidé, la mère s'est retrouvée n'ayant jamais travaillé, sachant rien faire, et elle a mis ce fils à travailler juste pour avoir de quoi manger, quoi. Et donc, en fait, lui, il avait retenu que à tout moment dans la vie, tout peut s'effondrer. Qui est vrai, d'ailleurs. Tout peut toujours s'effondrer. Moi, je l'ai vu 100 fois. Mais, vous voyez, mais que donc, en fait, eh ben, il fallait préparer les temps catastrophiques. C'est étonnant. Vous avez un autre exemple. C'est une de mes clientes hier qui me disait, qui est assez connue, qui est juive. Elle m'a dit, ben, moi, il faut que je puisse revendre si demain, on a la même chose que ce qu'on a eu avec les nazis. Vous voyez, c'est des gens qui vont avoir un rapport à la vie différent parce qu'ils ont conscience en eux que c'est fragile. Alors que beaucoup de gens croient que c'est inaltérable. Donc, ça va donner deux réactions. Soit des gens comme elle, beaucoup plus artistes, qui se disent que justement tout ça n'est que vanité, que la roche tarpeyenne est proche du Capitole. Et puis d'autres qui vont se dire, ah mais attends, c'est pas tout, il faut entasser, mettre des petites poches partout, cachées, de manière à ce que, ben, si les Allemands reviennent, en gros, on ait des poches, vous voyez. Alors, là aussi, on voit bien qu'on n'est pas dans un problème d'argent. On est dans une angoisse de mort, en fait. C'est l'histoire de l'homme de 50 ans qui part avec une fille de 25. Il part pas avec une fille de 25 comme ça. Il part avec une fille de 25, comme disait une avocate célèbre, c'est notre fonds de commerce, mais de divorce. Mais il part avec une fille de 25 parce qu'il est dans l'angoisse de mort. Parce qu'il se sent moins fort, moins puissant, moins machin, et qu'il se dit, mais non, mais moi je veux pas mourir. Donc je vais donner la vie, je vais montrer que je suis jeune, beau, séduisant. Voilà. Des vieillards qui veulent pas se séparer. Moi j'ai un mec type qui était richissime. Il voulait rien donner à ses enfants. Je lui disais, monsieur, mais donnez-leur quelque chose, c'est pas possible. Il disait, je ne peux pas me dépouiller. Et ça avait un sens, ce qu'il voulait dire. Il disait, je ne peux pas me dépouiller, si je me vide, je vais mourir. Comment se passe l'ouverture d'un testament? Combien de temps après la mort d'un père ou d'une mère? Est-ce que c'est quand les enfants le veulent qu'ils vont chez le notaire de leur père ou de leur mère? Quels sont les rituels? Alors, donc, c'est ça. Évidemment, à la minute où la personne meurt et on nous en justifie par la production de documents, c'est aussi des gens qui nous disent qu'il est mort pour voir ce qu'il y a comme testament alors qu'il n'est pas mort. Donc, on ne croit jamais rien ni personne, on vérifie. Mais sous réserve la production d'un extrait d'acte de décès, on peut informer les gens. L'usage, c'est de laisser passer le temps des funérailles quand même. Alors, c'est pas toujours vrai parce qu'aujourd'hui, les gens vivent souvent un peu partout dans le monde et c'est le moment où ils se retrouvent. Et ce moment où ils se retrouvent, bah, du coup, on accélère. Autrefois, on laissait passer 8 jours, 15 jours, 1 mois. Voilà. Après, dans ces temps de funérailles, moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans la tradition juive, moi qui ne le suis pas, c'est, ressemble au ressortir d'une très grande sagesse, c'est il y a des temps. Il y a le jour du deuil, il y a la semaine, il y a le mois, il y a l'année. C'est en fait des temps de récupération pour l'être humain. Puisque de toute façon, il y a un moment où les gens ont envie d'agir, parce que comme c'est lourd et pesant, ils préfèrent faire quelque chose. Mais ce quelque chose qu'ils vont faire n'est peut-être pas ce qu'il conviendrait de faire, puis ils n'ont pas le recul suffisant. Et donc ce que j'aime beaucoup, moi, dans la tradition juive, c'est ce recul de dire pendant un an, on fait rien. Dans le fonctionnement de l'être humain, au bout d'un an, ils peuvent tout, bien sûr rester tristes toute leur vie, et quelque part, le deuil, on reste triste toute sa vie. C'est, on fait pas son deuil, puis pof, on le range dans un tiroir. Enfin, je me bats toujours par bizarre comme expression, mais il y a quand même un temps de récupération, et un an, c'est le temps de récupération. Donc, le fisc n'est pas aussi patient, puisqu'il vous impose 6 mois pour déposer la déclaration fiscale, mais peut-être pour le reste des opérations, les opérations de partage, les ventes des actifs. Moi, je suggère de vraiment reprendre son temps, reparler, se voir, discuter. Voilà. Si les gens se parlent, les choses se passent bien. Le danger, c'est les non-dits, le sentiment d'être exclu, de ne pas être dans l'opération. C'est ça qui amène des réactions fortes. Un testament, François Carré, doit être écrit. Il y a 3 grandes façons de le faire. La plus classique, c'est de l'écrire entièrement à la main, d'être signé. Vous savez, il y a l'exemple célèbre, le droit français n'est pas formaliste. L'exemple célèbre, c'est l'aristocrate qui, au temps de la terreur, ouvre une veine et écrit sur le mur de la prison son testament, le date et le signe, et les tribunaux ont reconnu qu'il était valable. Si on veut qu'il soit plus solennel, parce qu'on craint qu'il soit contesté, on peut le faire par 2 notaires d'études différentes qui se rassemblent avec le testateur, ou un notaire et 2 témoins qui se réunissent dans une pièce, personne ne doit ni entrer ni sortir pendant tout le temps de réaction du testament avec le testateur. Évidemment, personne d'autre n'est admis, notamment pas les bénéficiaires, évidemment, des legs. Et on reste ainsi le temps de la rédaction de ce testament qui est signé par tout le monde et rangé. Et la troisième forme, mais qui est moins usuelle, qu'on appelle le testament mystique ou international, ça ressort d'une convention de Washington, qui pourrait être des gens qui ne peuvent pas l'écrire en français, par exemple, qui peuvent l'écrire en n'importe quelle langue, ils nous le remettent, ouvert ou fermé, et on met des cachets, des apostilles dessus pour dire, voilà, on me l'a bien remis, et c'est bien le testament en présence de témoins, une manière à constater que... Je connais un homme, François Carré, qui dit « Moi, je ne veux pas être le plus riche du cimetière. » Vous connaissez d'autres phrases comme celle-ci ? Alors, oui, c'était la phrase célèbre du curé Saint-Honoré d'Eylau. Il disait « Mes frères, n'oubliez pas que les cercueils n'ont pas de poche. » C'est une phrase célèbre. Ben justement, c'est toute la différence entre le droit français et le droit anglo-saxon. Pourquoi est-ce que les ducs anglais sont beaucoup plus riches que les ducs français ? C'est très simple. Ils ont 1 million d'hectares parce qu'ils peuvent pas les vendre. C'est légué au 12e duc à naître dans 3 siècles. Et donc, on maintient la continuité de la personne de force. Autant mes aristocrates du Faubourg Saint-Germain le font par une démarche intériorisée et personnelle, autant là, c'est la loi qui l'impose. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Tout ce mécanisme de trust anglo-saxon, c'est même mort. Je continuerai à décider moi-même personnellement de ce que l'on fait de ma fortune. Et moi, j'aime bien l'approche républicaine de la Révolution française, qui est de dire, en tant qu'individu, tu es libre, essaye de le faire intelligemment, je te borde par des lois d'ordre public qui t'empêchent de ruiner un enfant ou d'exercer une pression anormale sur lui, et pour le reste, les cartes se rebattent. Et finalement, assez sain. Moi, je dis toujours à mes clients que aucun testament d'aucun roi de France n'a jamais été respecté. Quand ils me disent, je compte sur vous pour veiller à ce que ce soit parfaitement respecté, je leur dis, n'oubliez pas, oui, un roi de France. Voilà. Vous, François Carré, vous avez confié votre testament à un confrère notaire ou c'est vous-même qui gardez votre testament ? Alors, je garde mon testament et pour tout vous dire, j'ai mis très longtemps à le faire, comme toute l'histoire des cordonniers bien connue. Et simplement, j'ai été un jour opéré et ma femme m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passerait si ?» etc. Je lui ai dit « Tu as raison chérie, il est temps que je fasse mon testament. » De Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec François Carré, notaire, Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Richard Rechtmann, anthropologue, et Gilles Clavreul, préfet. Prise de son Fabien Gosset, recherche INA Marie Chauveau, mixage Claude Niort. Elle est ce qu'on est, elle nous défait, elle nous refait. Elle nous défait, elle nous refait.